Kung pagkakahabol haya Kutsa MC te koma Man fahamu Alipi montana Oji kwa Kwa kwa kwa Kutsa Kutsa De faire le prix, c'est pour percer, faut s'approprier de l'esprit corsé. Comme le ministre de l'intérieur choqué quand il vient causer. Dans mon quartier ça brûle des caisses. Mais qu'est-ce que tu veux que je F? Trouver la solution trafic mec, avant que ça pète. T'es comme à la frange, j'ai pris cher terre. Dans mes bagages, j'ai embarqué la rage. Comprends pourquoi j'ai un peu fracasse. J'ai fait le trajet 9-4 Marseille en mission pour un morceau soprano dangereux MC. Mon chat dans ta face, dans ta face. Je vois les petits frères briller à la première de la classe. Que tout s'efface, nos peines et tout ce qui tracasse. Déterminé, faut s'accrocher, franchir les obstacles. Se dépasser, s'innover, avoir cette knack. Au microphone, tu lâches, mais pour viser plus haut. Ma main sur le cœur, mon point vers le ciel, toujours gai. Déterminé, observe de nos profonds regards. Déterminé que Richard du Nanterre, Carafat avant qu'on l'enterre, que Malcolm ou Martin Luther, qu'un afghan dans les airs, avec un cutter, qu'une Black Panther, qu'aurait les points du Rican Carter. Moi j'ai pas de cartel, même bloc-notes, prêt à te faire sortir du ring avec une attelle. Je suis hâté de ce système. Depuis que Sarko nous fait la presse dans son église, le vice est un appât avec lequel on pêche. Moubarak à la baisse, merci pour le guest. Soprano Baba Flo qui fracasse très bien vite la presse. Quand la je pas la verre tant que la famille ne fera pas la fête au bled au fait, je reste ghetto tant que la justice nous pèse. Demande à Alibi combien de millions des ministres se font quand ils envoient leurs milices dans nos coins de presse. Mkana baraka, mon amour baraka, kingazi, diafanya, mkara, kara, lyrical pour rester le père. Déterminé, observe de nos profonds regards. Mota ressenti cette force qu'on dégage. Énergie positive se bat de façon stratégique. Face au système, là ce qui nous jette, on reste allergique. Alibi, soprano, Moubaraka. En voilà, tu veux envoyer ta sœur pour nous calmer. En voilà, on est déterminé. Comme Florence Ray devant les keufs, comme Rocco devant des seufs, comme Tyson avec sa meuf, les rêves brisés. On a trop eu affaire aux mots refusés. On traite la grand-mère, tous ceux qui nous promettent la fusée. 9-3, 9-4, 1-3, qu'est-ce que tu crois? Trop de violence dans nos rivières, tu lâches pas, tu te noies de la Courneuve à Marseille, avec ou sans soleil, c'est que t'as la rage. Si avec ce putain de son tu te réveilles, ici Blanche-Neige porte tes strings, le Père Noël est un macro. Le clown qui fait rire les enfants s'appelle Sarko. On est entouré de traîtres, envahis par les bâtards. La vérité fait que souvent mon rap se retrouve au mitard. On est là pour dire qu'on représente toute la population. Le message est clair, mec, écoute cette grosse combinaison. Déterminé, observe de nos profonds regards. On a ressenti cette force qu'on dégage. Énergie positive,